La ferme à Goron. Livre audio gratuit, un roman de Henri Beauclerc. Lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.commons.